Rose d'amour, livre audio gratuit, un roman de Alfred Asselin, lu par Amina Groubis pour le compte de audiocité.net sous licence Creative Commons.